Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Des vertus. Explication. Après avoir examiné les habitudes en général, il nous faut les considérer en particulier, et comme elles se distinguent par leur bonté et par leur malice, nous devons parler d'abord des bonnes habitudes, c'est-à-dire des vertus et de ce qui les accompagne. Qu'est-ce que la vertu? Quel en est le sujet? Les vertus se divisent en vertus intellectuelles, en vertus morales et en vertus théologales. En quoi les vertus morales se distinguent des vertus intellectuelles? En quoi elles diffèrent des passions? Comment elles se distinguent entre elles? Qu'appelle-t-on vertu cardinale? Qu'est-ce que les vertus théologales? Quelle est la cause des vertus? Quant aux propriétés des vertus, on traite de leur milieu, de leur connexion, de leur égalité, de leur durée. Ce qui accompagne les vertus, ce sont les dons, les béatitudes, et les fruits de l'Esprit Saint. Question 55. De la nature des vertus. On définit la vertu. 1. La vertu humaine est-elle une habitude? Aristote pose en principe que la science et la vertu sont des habitudes. Le mot « vertu », en effet, désigne la perfection des puissances de notre âme. Or, ces puissances reçoivent la perfection qui leur convient de la détermination à leurs actes propres. Les puissances naturelles la tiennent de leur nature même, et c'est pour cette raison qu'on les appelle quelquefois vertus. Mais les puissances raisonnables de l'homme se rapportent indifféremment à plusieurs choses, et, comme nous l'avons vu, c'est aux habitudes qu'il appartient de les déterminer à leurs actes. En ce sens, la vertu humaine est une habitude. Note. La vertu a pour acte, dit saint Augustin, le bon usage du libre arbitre. Son objet est de diriger l'amour dans nos cœurs. Fin de la note. 2. La vertu humaine est-elle une habitude opérative? La vertu d'un être, disait le philosophe, est ce qui rend son opération bonne. Destinée à diriger les facultés propres à notre âme et non pas précisément les forces naturelles, la vertu est essentiellement un principe d'opération qui, en coordonnant nos facultés elles-mêmes, soit entre elles, soit avec les objets extérieurs, donne à leurs actes l'ordre et la disposition convenables. Note. Si la vertu est quelquefois comparée à la santé et à la beauté, ce n'est pas qu'elle ne soit point un principe d'opération, c'est que, coordonnant les puissances de l'âme, tant entre elles qu'avec les objets extérieurs, elle donne à l'âme elle-même des dispositions convenables. Ne soyons pas surpris qu'elle soit une habitude opérative. La substance de Dieu étant son action même, notre plus grande ressemblance avec la divinité doit s'établir par une certaine opération. N'avons-nous pas dit précédemment que la félicité suprême de l'homme, la béatitude, consiste dans une opération? Fin de la note. 3. La vertu humaine est-elle une bonne habitude? Le philosophe dit, c'est la vertu qui rend l'homme bon, lui et ses actions. Personne ne doit ignorer, ajoute saint Augustin, que la vertu ne donne à notre âme sa plus haute excellence. Puisque la vertu implique la perfection des facultés de l'âme, elle est évidemment une bonne habitude. Qu'est-ce que la perfection d'une puissance, sinon sa bonté? Le mal renferme toujours quelques défauts ou quelques privations. Tout mal, selon la remarque de saint Denis, est une infirmité. La vertu d'un être, en quelque genre que ce soit, se rapporte nécessairement au bien. Par conséquent, la vertu humaine est une bonne habitude qui opère le bien. Fin de la note. 4. A-t-on bien défini la vertu? Saint Augustin a dit, la vertu est une bonne qualité de nos âmes, par laquelle nous vivons dans la droiture, dont personne ne peut abuser, et que Dieu produit parfois en nous, sans nous. Remplaçons le mot qualité par le mot habitude, et cette définition sera parfaite. La vertu est une habitude, genre prochain, une bonne habitude, différence spécifique, de nos âmes, sujet, par laquelle nous vivons dans la droiture, ce qui la distingue plus spécialement du vice, dont personne ne peut abuser, à la différence des autres habitudes qui, comme l'opinion, portent tantôt au bien, tantôt au mal, que Dieu produit quelquefois en nous, sans nous, expression qui désigne que la vertu est parfois infuse. Ce dernier membre de la définition supprimé, le reste est commun aux vertus infuses et aux vertus acquises. Note. Les vertus infuses sont les vertus surnaturelles que la grâce seule produit en nous. Les vertus acquises sont celles qui proviennent de la raison humaine. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.